bien, c'était très bien, c'était parfait. Il y a plus moi qu'on applaudit. Non, vous c'était bien. Vous c'était comme c'est comme ça. Dites-moi, vous vous entend pas. Hein. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est pas si triomphal, c'est pas orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, enfin bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. J'ai l'air de ne pas avoir l'air. Mais avec mon air, je suis la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas de manieux, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tourments, faut pas me les jouer. J'ai risqué de bagner, faut l'avouer. Hein, j'ai fait tous les rôles. Hein. J'ai fait de Cyrano à DSK. Hein, c'est pas les mêmes personnages, mais enfin, c'est dans l'amour, toujours. Le DJ se répit. Passe leur musique durant toutes les nuits. Eh bien oui, quelle belle introduction avec ce petit rire derrière d'Emilie. On t'a eu, Emilie. Et donc, eh bien voilà, nous sommes en direct de Radio Arc-en-Ciel et alors on a voulu passer une petite bande-annonce d'un des spectacles et donc nous allons avoir tout de suite avec nous donc l'auteur qui, on peut pas dire qu'il commet, mais cette belle voix qu'on a eue derrière nous, il s'agit de David Bolling. Bonjour David. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah oui, j'ai entendu... Mes voix. Tes voix. Et oui, voilà, parce que en fait, David, on dit David Bolling ou David, comment oui. On dit David Bolling. David Bolling, oui. Ouais, on va dire David, voilà. Entre nous, ça va plus vite. Hein. Oui. Voilà. C'est plus court. C'est plus court. Est-ce que c'est une parenté avec Claude Bolling, non, si. Oui, bien sûr, oui. Wow. C'est mon père. Formidable. Bravo, c'est chapeau. Mon papa. Hein. C'est voilà. Chapeau. Alors David Bolling, pour te présenter en quelques lignes, déjà, quelle belle présentation, on a voulu passer cette petite bande-annonce. Alors David Bolling, j'aime bien parce qu'en fait Pascal m'a envoyé ta bio, c'est comme un CV. Date, nom, oui. Nationalité, date de naissance, voilà. Oui, parce que ça devait être mon CV qu'il a... Voilà, mais alors en fait, moi je te qualifierais plutôt d'imitateur de soirées privées, de soirées de cabaret. Tu as cette voix que tu travailles, et donc tu travailles l'imitation, les petites soirées. Et donc là, on a écouté un petit extrait, c'était un de tes spectacles, c'est ça? Oui, c'est mon spectacle qui s'appelle « C'était mieux hier » avec un point d'interrogation. Bon, je ne dis pas que c'était bio, que c'était pas mieux. Enfin, moi, j'ai mon avis. D'accord. Je partage tout seul. Mais voilà, j'ai mon spectacle qui s'appelle comme ça, et en fait, je refais vivre des gens qui sont partis ou des gens qui sont là. Certaines personnes, comme il y a Patrick Bruel, il y a Las Palès, il y a des gens comme ça qui sont toujours vivants, ou même Charles Aznavour, qui est toujours, comme on a entendu dans la bande-annonce. Sinon, effectivement, c'est tous c'est plein d'artistes qu'on a aimés, que j'ai aimés, que j'ai côtoyés, comme De Funès, Galabru, Nougaro, voilà, des gens comme ça, que j'ai eu la chance de connaître. Donc, je les refais vivre et je leur rends hommage, en fait. Voilà. C'est indispensable, ça, pour un imitateur, d'avoir une admiration, quelque part, pour coller à la voix, pour la trouver? Moi, je ne fais que ce que j'aime. Je ne fais pas. Souvent, on me dit, tu fais pas des jeunes, tu fais pas. Moi, il y a plus grand chose maintenant, donc il y a plus personne de vraiment très intéressant. Alors, il y a des gens comme Le Bray, des gens comme ça qui font des voix, qui font Hanouna, par exemple, ou qui font, je sais plus, celui qui fait Koh-Lanta, des trucs. Mais il y a pas grand chose à dire. C'est pas des gens qui ont grand chose à. Enfin, bon, même Jamel Debbouze, tout ça, c'est pas très très intéressant. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai besoin d'aimer la personne, oui, ou que ça me fasse marrer. En tous les cas, pour la faire parler dans le spectacle, quoi, pour lui donner voilà, un rôle. Voilà. Et puis moi, c'est les gens que j'ai connus. J'ai rencontré De Funès, je l'ai connu. Galabru, je l'ai connu sur Astérix. J'ai travaillé sur le premier Astérix. J'étais la doublure lumière de Christian Clavier. Et donc, j'ai bien connu Michel Galabru. D'accord. Et par exemple, voilà, Nougaro, je l'ai rencontré plusieurs fois. Donc, bon, c'était avec mon père. Alors votre père, parce que tout à l'heure Patrick y a fait référence, et donc qui était pianiste de jazz et qui a écrit, signé entre autres Borsalino, la musique. Voilà, Borsalino, Le Magnifique, Les Brigades du Tigre, Flick Story, le 3 hommes à battre. Je vais te tutoyer, mais tu sais que nous avons aujourd'hui une journée jazz. Ah, bah alors. Pourquoi une journée jazz ? Parce qu'on veut rendre un grand hommage à Michel Legrand. Ah. Oui, on veut rendre hommage à Michel Legrand. Et puis, en plus, quand tu m'as parlé que tu étais le fils de cet homme extraordinaire qui est Claude Bolling, puisque moi j'ai adoré toutes ces... C'est un orchestre merveilleux qu'avait ton père, hein. C'était vraiment formidable. Hein. C'est inoubliable. Hein, c'est le plus grand orchestre. Alors, il continue toujours à tourner sans lui, parce que lui ne joue plus maintenant, mais il y a quelqu'un qui le remplace. Ouais. Mais ça continue toujours à tourner. En fait, ils ont fait comme pour le Duke Ellington et puis le Glenn Miller, la Gueule Band, qui tourne toujours. Ouais. Donc voilà, ça tourne toujours, mais tous des pointures. Tu sais qu'ton papa a créé un groupe vocal qui s'appelait Les Parisiennes, si ma mémoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'une des filles des Parisiennes, une des chanteuses des Parisiennes, est la fille de l'ex-épouse de David Hallyday. Ah, je savais pas ça. Ah oui. Ah ben oui, le Fébure, bien sûr. Le Fébure, puisqu'il y avait le Fébure dans le groupe vocal, les Parisiennes, et les Parisiennes ont fait partie de notre patrimoine musical dans les années 68, hein, je crois. Oui, alors je sais pas si c'est pas elle. En tout cas, je sais que Serge Sauvion, qui était la voix de Columbo, notamment... Oui, un acteur. Était sorti avec une des Parisiennes, il m'avait dit ça, parce qu'on s'était rencontrés, et il m'avait dit qu'il Il voyait souvent mon père à une époque, puisqu'il allait chercher sa compagne qui était une des Parisiennes. Voilà. Donc c'est assez rigolo, ça. C'est assez rigolo. Bah, l'année parisienne, il y a peut-être un projet de faire un spectacle. Il y a une fille qui veut faire un spectacle là-dessus, ce qui serait une bonne idée de faire une comédie musicale, parce que les chansons sont complètement dans le temps. Oui. Et puis en plus, elles ne sont pas. On ne sait pas qui sont les Parisiennes. Elles n'ont pas de visage ni rien. Il y a même eu. Alors je crois que c'était pour les enregistrements studio. Je pense qu'elle n'est pas apparue à l'écran, mais il y a eu Nicole Croisy, parce que papa avait fait chanter Nicole Croisy beaucoup de fois. Bien sûr. Et elle avait chanté aussi dedans. Elle avait même chanté pour les Lucky Luke, parce que papa avait eu la chance de faire les musiques de Lucky Luke. Ah oui. Avec René Goscinny. Ouais. Et donc elle avait chanté, elle faisait la dame qui chante dans les saloons, dans le premier. Lucky Luke. Ah oui, donc moi j'ai connu tous ces gens-là, donc c'est vrai que c'est... Non, mais pour nous, si on se permet de te parler de Claude, ton papa, c'est que vraiment, pour moi, j'ai 69 ans, tu vois, et pour moi, c'était un peu mon époque de jeunesse, hein, l'époque de Claude Bolling, l'époque quand je l'entendais et quand je le voyais sur les écrans. J'étais complètement accro à ton père et j'écoutais son orchestre parce que c'était une musique de jazz originale qu'il avait, c'était vraiment formidable. Et puis il a découvert des tas d'artistes, il a chanté avec des tas d'artistes, des tas de chanteurs extraordinaires. Ah ben il a tout fait. Il a tout fait, il a fait de la variété, de la musique de film, il a fait du jazz, en plus il a eu cette chance d'adorer Duke Ellington et d'être devenu ami avec lui. Ouais. C'est c'est même lui qui a joué un dernier morceau à Ellington la veille de sa mort à l'hôpital. Ellington lui a demandé, tu peux me jouer Caravane, il lui a joué Caravane. Au téléphone. Oh là là. Et Linton est mort dans la nuit. Et on a même eu j'avais eu un témoignage d'un monsieur qui s'appelait Bernaud, qui travaillait sur les quais, qui avait été aussi, je crois, accordéoniste, et qui avait travaillé avec Dutronc, Françoise Hardy, avec pas mal de gens, et qui m'avait dit qu'à l'époque, il travaillait chez Philips. Et on lui demande de venir accorder un piano, parce qu'il accordait les pianos. On lui avait demandé d'aller dans un grand hôtel à Paris, accorder un piano, et il s'est retrouvé avec Ellington à lui accorder son piano. Oh. Alors, incroyable. Vous imaginez ? Non. Donc il accorde le piano, et puis après Ellington lui dit, ben tiens, on pourrait se manger une petite glace, parce qu'il aimait bien la glace au citron, je crois. Mmh. Alors ils ont mangé une glace, et puis à un moment, Bernaud lui dit, mais pour vous, monsieur Ellington, le meilleur musicien de jazz, c'est qui ? Ah, Claude Bolling is the best one. Ah. Voilà, tout est dit. Oh, tout est dit. Ah, ouais. Et d'ailleurs, Boris Vian appelait mon père Bollington. Ah ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est étonnant. Étonnant, la carrière de ton papa, c'est vraiment jolie, jolie anecdote. C'est étonnant. Voilà. Enfin, on est surtout là pour parler de toi aujourd'hui, quand même. Oui, c'est ça qui est important. C'est gentil de rendre hommage à ton papa, mais on voudrait surtout avoir un peu des informations sur toi, Charles. C'est vrai que j'ai commencé comme tous, on a commencé les imitations quand on a 4-5 ans. Oui. Donc, je m'amusais à faire la voix de Duffy Duck, mais le premier Duffy comme ça. Et puis après, bah, je me suis mis à faire d'autres voix, et notamment celle de Louis de Funès, parce que j'adorais de Funès. Alors à l'école, je faisais « Ah, c'est Fantomas, regardez, il est large !» Alors donc on me demandait toujours de faire de Funès, et tu peux nous refaire de Funès. Alors je le faisais, et puis il y a eu ce jour où je l'ai rencontré qui a été extraordinaire, donc que je raconte aussi dans le spectacle. La première fois que j'ai rencontré Louis. Et tu l'as rencontré dans quel film, à quelle occasion? Alors, j'ai rencontré de Funès, en fait, la première fois c'était à la Porte de Pantin. Oui. Parce que Giscard faisait un meeting, parce qu'il pensait être élu. Donc il avait fait un meeting où il y avait Alain Delon, il y avait tout plein de gens. Et donc bah, Louis était là, on a fait une photo qu'il m'a dédicacée après. Ma mère était journaliste à Télé 7 jours, donc l'avait interviewé sur le tournage des Gendarmettes. Et on est retourné le voir à Boulogne deux fois sur le tournage où il nous a reçus. Alors il a été d'une gentillesse, mais vraiment c'était. Ouais, c'est un garçon. Et j'ai eu la chance de le voir tourner. Alors si vous revoyez les gendarmes et les gendarmettes, au moment où il se fait, engueuler par Josepha, quand il rentre dans l'appartement et qu'elle fait « Alors, ça continue la fête du samedi soir ? Au lieu de vous payer un pull, j'aurais dû vous payer une guitare !» comme ça. Et ben, j'ai vu cette scène, et la dernière scène que j'ai vue, donc après la scène que j'ai vue tourner deux jours après, et je pense que c'est la dernière scène qu'il a tournée au cinéma, après ça a été terminé puisqu'on a... On a fait le dîner le pot de ce qu'on appelle le pot d'adieu du plateau. Oui. Oui. Après, ça a été fini. C'est la scène où il arrive, il vient pour chercher les gendarmettes et il tombe sur la femme de Gerbert qui lui dit « Ah non, elles sont chez vous. » Il faut, c'est pas possible. Si, je vais aller voir. Puis il s'en va. Et donc, je l'ai vu, j'ai eu cette chance de le voir tourner ça. Mm-hmm. Et voilà. Et même à un moment, il m'a demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as trouvé ça bien ?» Alors moi, je ne sais plus quoi dire. J'ai dit « Oui, oui, bah oui. » J'ai complètement liquéfié. Ouais, c'était un éternel inquiet, Louis, je crois, non si. Oui, il était inquiet de que ça se passe bien, que ça aille. Bien sûr. Et puis, même dans ce film où il était... C'est vrai qu'il était, bon, il était fatigué, tout ça. Il avait ses problèmes de cœur. Bah, il y a quand même des choses qui sont bien. Moi, je trouve qu'il y a des choses bonnes. Il y a des... Je suis un grand fan. Oui, j'ai rendu hommage à Louis de Funès la semaine dernière parce que bon voilà. Et puis il faut pas oublier que cette semaine sur les chaînes de télévision, nous avons la rediffusion du film de Gérard Oury, La Grande Vadrouille. Oui, c'est vrai. Oui, La Grande Vadrouille, qui était un film étonnant. Mmh. Et puis voilà. Donc voilà. Oui, moi, que je fais dans le spectacle justement. Je rends hommage. Je dis dans le spectacle, étant fils de musicien, je ne pouvais pas faire un autre personnage que Stanislas Lefort. Je fais le truc. Sinon, j'ai des... Pour la petite anecdote comme ça, oui. J'ai des voix, excuse-moi. J'ai des voix qui me sont venues d'un seul coup, puisqu'on parlait tout à l'heure de travail. Oui. Un jour, j'avais fait... On faisait pour la Fox, parce que je faisais le Rocker à Picture Show, et donc il y avait des cassettes vidéo qui sortaient. Et on avait fait une soirée présentée par Laurent Boyer, d'ailleurs. Mm-hmm. Et il y avait le monsieur qui faisait la voix de Scooby-Doo qui était là, parce qu'il sortait les cassettes, vous savez, le chien, là. Oui. Donc je vais le voir et je lui dis, mais vous savez, j'imite votre voix quand vous faites Scooby-Doo. Il me dit, ah bon, enfin voilà. Et j'ai fait la voix de Scooby-Doo comme ça. Et à coup, j'ai sorti la voix de Sally, mais c'est sorti tout seul. Oh, excellent. Et alors, quand on fait la voix de Sally, il suffit de redescendre et faire la voix de Francis Lax. Et on peut faire la voix de Hutch. Dans Starsky Hutch. Et je l'ai fait devant Francis Lax plus tard. Ouais. Il était très très surpris. Puis il s'est retourné, on était avec mon père. Il lui a dit, tu sais Claude, je crois qu'un jour ton fils viendra me remplacer en studio pour doubler. C'était assez... Alors j'aurais voulu, pour le Star Wars, le dernier Star Wars, j'avais essayé de contacter la femme qui s'occupait de distribuer les voix. Mm-hmm. Parce que, en fait, c'était Francis Lax qui faisait la voix de Yann Solo. Oui. Ah. Je m'étais dit que ça aurait été marrant, mais bon, ils ont pris, je crois, c'est Darbois qui fait la voix de d'Harrison Ford maintenant. Alors évidemment, quand les gens vont regarder en français, bah, ça va faire bizarre de voir les épisodes, de voir Francis Lax, les trois épisodes qu'il a doublés, puis d'un seul coup, ping, Yann Solo à la voix d'un autre gars. Alors qu'il aurait pu refaire cette voix-là comme ça, beaucoup plus facile de voir, ça aurait été beaucoup plus dans le truc, un kiwi avec, avec le singe, là, avec Chewbacca. Voilà, mais voilà, il y a des voix qui viennent tout seules, et puis d'autres, moi j'avais travaillé par exemple Jean-Pierre Coff. Moi j'avais travaillé avant que les autres le fassent. Tu peux nous dire une petite phrase de Jean-Pierre Coff, non? Comme ça. Oui, alors Jean-Pierre Coff, j'avais fait évidemment, j'avais pris, mais c'est pas de la merde, regardez, ça c'est de la merde par contre. Alors Jean-Pierre, une fois qu'on a compris le système, c'est pas compliqué. Suffit de parler comme ça et ça passe très bien. Voilà, j'avais fait Las Palès avant, avant tout le monde. Oui. Las Palès, je l'avais chopé au théâtre dans les années 90 quand ils avaient fait le sketch avec la petite table jaune, la mairie Corée. Alors c'était à cette époque-là et j'avais pris. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Et j'avais chopé ça et je l'avais fait devant eux et je l'avais fait devant Las Palès. Donc j'ai été le premier à le faire devant lui et il a été très très très surpris parce que je lui avais fait ah ça y est j'ai compris comment on faisait pour faire votre voix et il était complètement ça l'avait un peu surpris. Alors ça c'est très drôle de faire les voix devant les gens. Ah ça c'est ce que j'allais vous demander justement. C'est voilà, alors il y a pas longtemps j'ai parce que j'ai un ami qui fait des dîners notamment on fait ça chez lui. Alors c'est un type qui connaît tout le cinéma, enfin c'est le théâtre, le cinéma, il connaît tout le monde. Donc vous vous retrouvez à dîner avec Popek, Vladimir Kosma, Robin Davis qui est un metteur en scène, on se retrouve à dîner avec plein de gens comme ça. Ouais, c'est extra. Et la dernière fois, il y avait Vladimir donc qui avait travaillé, qui a commencé sa carrière avec mon papa, justement, qui faisait des arrangements. Et il dit alors. De Vladimir Kosma, je crois, c'est ça? Oui, Vladimir Kosma. Ouais. Et donc, j'ai imité Kosma devant lui. Et Vladimir, il dit, mais pourtant, je ne parle pas comme ça, je ne comprends pas. Brigitte, il dit ça à sa femme, elle fait, ben si, Vladimir, c'est exactement ça. Tu parles comme ça. Bah oui, parce que, bon, moi, je ne m'entends pas, alors je ne sais pas exactement comment je parle, mais c'est très curieux d'entendre ça comme ça, c'est très très curieux. C'est pas l'auteur de La Boum, non? C'est lui qui a écrit... Il a fait La Boum, il a fait... il avait fait La Chèvre... Tous les films. Le Père Noël est une ordure... Ouais, là, il travaille avec Mocky aussi, alors ça, c'est tout un poème, le travail avec Mocky. C'est extra. c'est formidable. Donc, moi, je m'inspire de tous ces gens. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve qu'on passe un moment merveilleux avec toi, parce que... D'abord, d'une part, pour un week-end, Pascal, ça nous fait terriblement rire. Tu as le don d'imiter des choses, des artistes étonnants. Et moi, franchement, je jubile en ce moment en t'écoutant. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ah bah, merci beaucoup. David, moi, je vais te poser une petite question. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des rencontres avec d'autres imitateurs, de se prendre un petit délire ensemble? Est-ce que ça peut t'arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir un jour? Oui, alors j'ai un ami en fait. Alors on s'est rencontrés il y a un an sur un casting qui s'appelle Christophe Lemaire. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle de ça. Voilà, oui, avec Christophe, bien sûr. Bah on est en train de concocter des choses ensemble. Là c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je crois qu'on peut lui fêter son anniversaire. Ah ben, alors attends, tu sais pas, là tu me donnes une idée. Alors tu vas pas quitter. Je vais essayer de te reprendre en antenne. On va essayer de l'appeler. Ouais. Parce que Christophe, c'est un ami à nous qu'on a eu plusieurs fois. Ouais. Et puis, pour lui rendre un petit hommage, moi, je te propose d'écouter justement Christophe Lemaire et David Bolling qui savent tout faire, et entre autres Chevalier Las Palès. Oh là, oh là, oui. Ça date, hein. Oui. Allez, écoutons ça. On écoute. On sait faire Chevalier Las Palès. Personne ne l'a jamais fait. Ça, c'est vrai. Ça, nous, on sait le faire. Enfin, comme nous, personne ne l'a fait. Hein. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Melun? Eh ben, moi, je suis venu à Melun. Je suis venu pour voir mon copain Christophe. Ah oui, alors, Christophe, c'est quoi? C'est le maire de Melun? Ça, c'est amusant parce qu'il s'appelle Christophe le maire. Ah, c'est pour ça, alors. C'est pas le maire de Melun, mais... Il y a déjà dans le nom, il y a le maire. Alors dis-moi, ton ami Christophe, là, il habite à la mairie ou il habite au camping? Parce qu'il y a un camping, c'est pas vraiment le camping, mais enfin, ça l'est un peu, parce qu'il a eu des soucis. Ah oui, alors comment ça se passe? Tu payes une entrée? T'as une caravane? Tu fais quoi? Oh non, tu rentres par l'entrée normale, tu viens passer ton week-end, tranquille. Bon, t'as les chiens. Je le fais bien, hein, chevalier. C'est pas évident. Avec je le fais mieux que lui. Ben oui, mais parce que moi je fais Régis, toi tu fais Philippe. On oui, fait pas les mêmes. Bon, bah d'accord, alors voyez, bon, c'est pour un petit exemple, nous on est les meilleurs sur le marché. Hein. Ça c'est vrai. Voilà, alors contactez-nous. Contactez-nous, voilà, c'est simple. On et est là, vous avez tout gagné. Tout gagné, toutes les soirées, on vous fera ça toute la soirée. Les gens sont pliés. Puis les chaises à la fin. Pas forcément de rire, mais ils sont pliés. Salut. Voilà quoi. Ouais, c'est extra. Excellent. Formidable. Et voilà, c'était un petit hommage voilà, qu'on voulait rendre à Christophe et à toi, forcément. Ouais. Et je pense que oui, en fait, c'est facile, en fait, par exemple, d'imiter la même voix et de se retrouver tous les deux en se disant « Oh bah tiens, toi tu l'as fait de cette façon-là, moi je l'ai fait de cette façon-là. » Vous comparez vos voix, vous donnez des petits conseils entre vous ? Non, oui, on peut se donner des conseils, mais non, on compare pas vraiment. On voit qui fait quoi le mieux, et puis c'est ça qu'on va essayer de faire. On est en train de monter quelque chose tous les deux, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait, et puis en plus on a un peu une vie similaire, et parce que souvent avec les autres imitateurs, quand on se rend compte, bon c'est sympa, c'est bien, mais ils sont un peu perso, ils sont un peu dans leur truc, c'est pas toujours dans le partage, dirons-nous. Donc voilà. Bon, mais là, avec Christophe, on s'est vraiment retrouvé dans le même univers. Alors lui, c'est plus la chanson, moi c'est plus les acteurs, malgré que je chante un petit peu aussi. Mais voilà, on va se compléter. Et puis lui, il va commencer à faire des sketchs parce qu'il faisait pas beaucoup de, il faisait pas de sketchs, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va être bien. Ça va amener quelque chose de différent parce qu'il fait des voix chantées, mais il fait pas de parodie. Mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, il m'a scotché quand je l'ai vu. Enfin, je l'ai entendu la première fois. C'était waouh. Non, vraiment. Ça, c'est une belle rencontre. Et on va faire des petites choses assez marrantes, je pense, tous les deux. Ça va être. Et puis, il y a vraiment une complicité. Je vois ça. Déjà, quand on fait nos vidéos, là, on a fait 2-3 petites vidéos. Mais on a fait vraiment des choses comme ça sur le moment, quoi. C'était pas écrit ni rien, mais je trouvais que c'était de l'impro, mais c'était pas mal, quoi. C'était bien. Justement, ce qu'on voit déjà. Oui, puis Christophe, on l'a eu en interview, et c'est vrai, voilà, il adore ça. Il se donne pour son public. Moi, je sais que j'avais été vraiment surpris par ce personnage-là quand on a été ensemble au téléphone. Et puis, oui, je pense que tous les deux ensemble, ça peut se compléter, ça peut être sympa, justement. Et au niveau des imitations, tu en as combien d'imitations à peu près? Un gros sac. Je vais en avoir 80. Je vais avoir 80 personnages. Mais après, je peux faire des choses à la commande, je peux faire des trucs à la demande. Par exemple, j'avais fait la voix de Jean-Saul Partre, donc de Sartre, sur L'écume des jours. Et on était plusieurs, dont Didier Gustin qui avait postulé pour le film. Mmh. Et en fait, Michel Gondry, ce qu'il a aimé, c'est que j'avais fait ça, c'est parce qu'on m'avait dit, il faut que tu enregistres la voix. J'ai dit, ah bon, parce que je pensais qu'on allait en studio d'enregistrement et qu'on allait en refaire un essai. Puis pas du tout, ils m'ont dit, bah, débrouille-toi, il y a des ordinateurs, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je savais pas, à l'époque, j'avais rien pour vraiment, pour faire ça. Et j'ai une copine qui me dit, bah, t'as qu'à faire ça sur ton portable. Alors j'avais une espèce de petit portable complètement minable. Bon, j'ai enregistré sur le portable, j'ai envoyé, et il a adoré que il a dit, ah, c'est super, la voix est complètement pourrie, elle est nulle et tout, c'est vachement bien, c'est ça qu'il me faut. Et puis voilà. Et j'ai été pris grâce au portable. Donc c'était rigolo, j'avais fait donc la voix dans... C'est moi qu'on entend un petit peu dans L'écume des jours. C'est quand c'est Gad Elmaleh qui entend la voix de Sartre. Quand il y a Toretton aussi, à un moment qui fait Sartre et qui parle, qui fait un discours, c'est ma voix derrière. Donc c'était assez sympa à faire. Ça. C'est des beaux souvenirs. Ouais, c'était une belle chose. Ça. Ouais. Ah oui, j'en ai plein. J'ai eu aussi la chance de travailler avec Robert Hossein. J'ai travaillé avec lui sur Jules César en 85 en tant qu'assistant stagiaire. Et Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette après, donc 10 ans après. Mais alors, ce qui était incroyable sur Jules César, c'est que moi, bon, j'avais 17 ans. Alors, pour rien cacher, ma mère m'avait mis là-bas parce que je travaillais beaucoup à l'école. Et donc, elle m'avait dit, tu vas aller bosser, tu vas voir ce que c'est que de travailler. Et donc, je me suis retrouvé avec tous les gens que je voyais à la télé le mardi soir. Là, il y avait Guy Delorme, qui était le cascadeur que vous, on a tous vu dans Bien le sûr. Dessus, dans le Miracle des Loups. Vous savez, le monsieur qui est très très creusé, là, avec une barbichette, et qu'on voit notamment dans Fantomas contre Scotland Yard, mm-hmm. avec une scène où il y a tous les gangsters qui sont réunis sur un bateau. Avec Jean Marais déguisé en gangster qui fait donc une scène avec Fantomas. Il y avait Guy Delorme, il y avait Jean-Pierre Santier qui est malheureusement décédé maintenant mais qui était un super comédien qui avait joué dans Rue Barbare, François Martouret et il y avait Robert Dalban aussi. Robert Dalban qui a joué dans Les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs, bien sûr, qui, ouais, qui avait joué dans plein de films ah comme oui, ça. Formidable. Ah, bah, Et des gens vraiment, mais d'une simplicité, d'une drôlerie. Enfin voilà. Donc moi je ne peux aimer que cette génération, je ne peux aimer que ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi ça ne me fait la plupart du temps ça ne me fait pas rire. Je trouve ça grosse idée vulgaire. D'où le titre de votre spectacle qui s'est déroulé l'an dernier. C'était mieux hier alors. Voilà, exactement. C'était mieux hier. Mais je le mets avec un point d'interrogation, comme ça les oui. gens font leur avis. Mais moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens qui avaient... Parce qu'on me dit, oui, tu fais des morts, tu fais des gens, machin, il faut non. faire des jeunes. Enfin, on sort toujours les mêmes conneries, évidemment. Mais oui, voilà. Ça, c'est tous les producteurs, tous ces gens qui connaissent tout mieux que tout le monde. Et moi, j'ai eu... Alors, c'était évidemment plus des femmes, mais j'ai eu des gens qui avaient entre 20 et 25 ans mm-hmm. et qui me disaient, mais c'est vachement bien ce que vous faites... Ah ben, on a l'impression de vivre ce que nos parents nous ont raconté. Mmh. Et même, je fais Louis Jouvet à un moment dans le spectacle, et il y a une fille qui était venue me voir en me disant, mais on ne connaît pas, mais vous le faites tellement bien, on a envie de savoir qui c'est qui le personnage. Mais alors je leur dis, bah, celui qui parle comme ça, c'est ça que vous voulez savoir. Voilà. Alors voilà, c'est Louis Jouvet, donc je leur explique. Et ça leur fait découvrir des nouveaux personnages, oui. ça leur fait découvrir du vrai cinéma avec des Mais vrais voilà, acteurs. C'est ça en fait, c'est le cinéma de nos parents, de nos grands-parents. Voilà. C'est notre devoir de mémoire cinématographique que tu fais sur scène. Voilà. Et ça, culturel, c'est et culturel, absolument. Bah écoute, c'est le septième art. C'est notre. Je ne veux pas passer pour un réac ou je sais pas quoi, parce que je pense pas de l'être, oui, mais je trouve que notre culture fout le camp. Absolument. Et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que les gens ont de moins en moins de culture, sont de moins en moins cultivés. Ouais. Et c'est vraiment triste. Et moi, j'essaye de redonner ça et puis d'emmener les gens dans mon univers. Et puis, je vais te dire aussi... Parce que mon univers, c'est ça. Oui, une chose importante, c'est qu'en fait, en parlant, par exemple, de Louis Jouvet, les gens peuvent se replonger dans la vidéothèque de Louis Jouvet et retrouver des films étonnants, parce que c'était un comédien merveilleux. Hein. Ah bah, il adorait le théâtre, mais il n'aimait pas du tout le cinéma. Je sais voilà. Pas si il était sur le cinéma, mais il a fait des films étonnants. Il a fait des films étonnants. Mais c'est comme... Je fais Rému. Alors Rému, c'est... Ah, voilà. Rému, c'est excellent. Rému, c'est le plus grand. Il y avait Harry Bore aussi. Harry Bore, absolument. Je sais pas si vous savez. Oui, bien sûr. Mais Pagnol faisait un truc. Il aimait bien, comme Rému, aller manger au Fouquet's. Alors on peut voir sa place là-bas au Fouquet, il y a sa place qui doit être au premier étage, je crois. Et il y a d'ailleurs même la lettre écrite de la main de Pagnol le jour où Rému est mort, qui est exposée là-bas, qu'on peut voir aussi. Et donc Pagnol aimait beaucoup envoyer des dames voir Rému pour lui dire « Oh, monsieur Harry Bore, est-ce que vous pourriez me signer un autographe ?»« Je ne suis pas Harry Bore, je suis Rému !» Et il signait Harry Bore après. Et puis les autres, ils rigolaient derrière. Mais c'était des gens incroyables, ouais, des gens ils se disputaient, ils se rabibochaient. Comment peut-on oublier cette période? C'est difficile. Parce que on n'en parle plus, parce que les gens savent plus rien, et que je crois même que les jeunes qui vont travailler, enfin qui vont prendre des cours de théâtre, ne savent même pas qui est Jouvet parce qu'on ne leur apprend pas. Et je crois même que quand ils sont au conservatoire il y a un buste de Louis Jouvet, je crois, ou une statue, enfin. Et ils savent pas qui c'est parce qu'on leur apprend pas, on leur dit pas. Alors voilà, ils vont faire du théâtre, puis on leur parle de Jouvet, on leur parle de Seigner, on parle de c'est qui, ils savent pas, ils savent rien, ils sont Voilà, ils viennent pour apprendre un métier, pour gagner leur vie, pour être riches. Voilà, ils viennent pas pour l'amour de ce boulot, mais c'est vrai qu'on ne leur donne pas peut-être non plus les clés de ça, je sais pas, mais c'est quand même malheureux de pas. Quand on veut être comédien ou qu'on veut travailler là-dedans, on connaît pas les origines en fait, on connaît pas le. Voilà, et puis bah, nous on a vécu, là, moi j'ai vécu avec ça, j'ai vécu avec Belmondo, avec Delon. Oui, c'est. Donc moi qui suis que je peux pas m'amuser à faire Hanouna, j'ai rien contre Hanouna, j'ai travaillé avec lui un peu, j'ai fait des émissions, mais j'ai rien contre lui, mais je vais pas. Moi c'est pas mon truc, je suis pas de la génération Kev Adams, voilà. Tout à fait. Justement, pour écouter ce que ça donne David sur scène, moi je te propose d'écouter un extrait que tu avais enregistré, Plateau des parrains du rire de David Bolling. Oui. Eh bien moi je te propose un petit extrait pour voir un petit peu ce que ça donne David sur scène. D'accord, ok. Alors oui, donc eh bien, je coupe ça tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour Sébastien. Eh bien oui, c'est bonjour. Sébastien de Radio Arc-en-Ciel. Et puis alors tiens Christophe. J'écoutais l'émission. Ah zut alors. Bon bah voilà, on est piégé. Bon bah alors. C'est une bonne surprise. J'ai gagné quoi ? C'est bon, c'est moi qui ai gagné. C'est toi qui as gagné le droit d'avoir quelqu'un au téléphone pour toi. Et oui. Je croyais que c'était la valise RTL. C'était le bon temps. Hein. Le montant, c'est 356,40 €. Hein. Ça doit être à peu près ça, oui. Ah merde, alors, t'es sûr que c'était ça. Alors, eh bien, pour reprendre la voix de mon copain, Jean-Marie. Voilà. Eh bien, donc, je suis heureux. On a à la fois et Christophe et David en ligne. Voilà. Ah ouais, c'est super. Hein. Salut, Christophe. Ça va, David ? Et toi, tu vas bien ? Bon, on va voir. Ouais, super. Joyeux anniversaire. Je vais te le faire avec la voix de Michel, hein. Alors. Joyeux anniversaire. Mon petit David. Voilà, on s'amuse à se faire des voix comme ça de temps en temps. Oui, en fait, c'est ça. Il faut dire aux gens qu'on s'amuse avant toute chose. Je pense que c'est comme tous les duettistes de spectacles. D'abord, on s'amuse, et si on se fait rire nous-mêmes, on tente de faire rire les autres. Voilà. Mais si on se fait pas rire nous-mêmes, après, on va dire non, c'est pas drôle, donc on va pas se risquer, quoi, quand même. C'est exactement ça. On va pas trop risquer le truc. Non, c'est exactement ça. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, même moi. Quand j'aime bien faire quelque chose, je sais que si ça me surprend et qu'on en rigole, et ben, on se dit, voilà, forcément, l'auditeur de l'autre côté va prendre son pied, va aimer ce qu'on fait, et puis voilà, c'est aussi. Il faut aimer ce qu'on fait, parce que si on n'aime pas, il faut se faire plaisir d'abord pour partager. Oui, c'est comme quand comme quand on écrit une chanson ou une musique. Moi, ça m'arrive quand je réécoute ce que je viens de faire, des fois je me dis non, c'est vraiment nul. C'est nul, c'est pas la peine. Et bon, alors moi, je me pose la question souvent quand j'entends certains morceaux de certains artistes qui ont fait des bonnes choses. Hein. Je me dis, mais comment ils ont pu laisser eux-mêmes passer des trucs nazes ? Bon, on va parler de cinéma parce qu'on y est depuis tout à l'heure avec David. Oui. Avec des acteurs qu'on aime particulièrement, comme Christian Clavier, comme tout ça. Moi, je suis un grand fan des Visiteurs. Et l'année dernière, quand ils ont sorti le troisième volet, je me suis forcé, mais c'est merde, il faut quand même que je rie, c'est pas possible, j'adore ce. Ah bah ben non, il n'y a rien à faire, j'ai pas pu rire. C'est vrai. Non, mais je crois qu'il y a un moment. Il y a un moment, ils se rendent plus compte de ce qu'ils font, je crois. Je crois qu'ils sont tellement. Mais comment ils ont pu faire pour sortir un truc aussi nul? Ils se rendent plus compte, ils pensent que c'est bon et ils se rendent plus compte et on met 50 personnes. Je veux pas qu'on en arrive là, surtout. Je veux pas qu'on en arrive là, surtout. Voilà, c'est. Non, mais ils mettent 50 personnes, alors ils vont mettre du boss, ils vont mettre machin, ils vont mettre truc et tout le monde va se dire, oh, c'est formidable parce qu'ils sont géniaux et puis ils se plantent. Enfin, ils se plantent. Ils ont du monde qui viennent les voir, forcément, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais voilà, après, c'est pas. Je suis très dur dans ce que je dis, mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas. En tout cas, je profite que vous m'ayez appelé, c'est très gentil, je vous remercie infiniment. Pour dire un petit mot aussi, sans pommade, parce que là, c'est pas du tout mon genre. Je pense que c'est pas le genre dans la maison. On se passe pas de la pommade à propos de David et de son travail et de surtout du personnage qu'il est. Parce que c'est vrai qu'il le disait, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et on allait tous les deux, je vais dire, hein, sans être prétentieux, en professionnel, on allait en visiteur à une espèce de casting où on n'était pas du tout à notre place. Et on s'est dit, tiens, pour le jeu, on va y aller, on va voir ce qu'on est capable d'entendre autour de nous et ce qu'on est capable de faire. Et à l'arrivée de ce casting, on a ressorti une seule chose, c'est une amitié vraiment très très très très forte qui est sortie, comme quoi passer 40, 45 ans, on peut encore avoir des amis. Et ce qui est important, c'est que en David, comme il le disait tout à l'heure, on a un peu le même vécu. Voilà, moi, mon papa était ingénieur du son, il a travaillé avec les plus grands noms du spectacle dans les années 70, vraiment les plus grands noms. Puis son papa, c'est un des plus grands jazzmen du monde. Voilà, et on a des centaines d'anecdotes à se raconter. C'est pour ça que je vois que votre émission, elle dure autour de David, parce qu'on rigole bien, on passe du temps et c'est très agréable d'écouter des gens qui ont quelque chose à raconter. C'est pas parce que ce sont pas des stars, nous on est loin d'être des stars, mais je pense qu'on a des centaines de choses à raconter, on a des heures de choses à raconter. Je pense que ce qu'on va faire, on va être obligé de vous inviter tous les deux une spéciale un jour à la radio. Ah oui, ça serait bien. Mais justement parce que David et moi, on est en train de préparer un spectacle ensemble. Lui m'amène à la comédie et voilà, c'est une chose que j'adore, mais moi j'ai un gros problème, je l'avoue, sans pudeur, j'ai pas de mémoire. Donc pour être comédien, pas de mémoire, c'est vachement... Mais ça, c'est Dory, ça travaille. C'est Dory le poisson, moi. Ça se travaille, de mémoire. Et là, effectivement, je prépare un nouveau spectacle, et donc dans ce spectacle, il y a des sketchs, des trucs, enfin d'autres. Et là, c'est dur pour moi d'apprendre quelque chose, l'enfer. Oui, ça donc va, je compte ça sur va, David pour m'aider. T'inquiète pas, ça va se faire. Alors on viendra faire la promo de ça, effectivement, ça serait très chouette. Ah oui, on aimerait bien vous accueillir. Ça serait pour quand, ce spectacle-là? Ça serait pour quand on l'aura écrit. Là, déjà, ça commence déjà le 29 au cabaret, tu vas déjà faire un petit sketch ou deux, il y aura déjà intégré dans ton spectacle. Oui, ça commence déjà. C'est déjà un commencement. Quelle serait la tonalité de votre spectacle, justement? On va reprendre les artistes que vous imitez, donc des années 70-80. Est-ce que ces artistes-là vont revivre cette parenthèse enchantée, ou est-ce que vous les projetez dans notre époque actuelle et vous leur faites commenter notre époque actuelle? Je sais pas ce qu'en pense David, mais personnellement, je suis pas trop pour, parce que ces gens ont vécu dans une époque dorée, magnifique, et c'est bête de les projeter dans une époque... D'accord. Pardon, hein, je vais choquer, pourri comme celle d'aujourd'hui. Oui. On avait nos Gabins, nos De Funès, nos Ventura, donc tous ces gens-là, faut les laisser là où ils sont, dans une très belle époque où on rêvait, quand on est devant la télé, on rêvait en les regardant. Et nous, ce qu'on a envie de faire, si on y arrive, c'est d'arriver à faire un spectacle autour des plus grands dialogues du grand cinéma. Voilà. Les grandes tirades de Belmondo, les grandes tirades de Jean-Pierre Mariel, de... Voilà. Il y a un truc aussi, je pense à ça parce que Christophe évoque ces périodes. C'est vrai que, bon, ça va faire très nostalgique, comme disait Robert Hossein, mais quand on regardait toutes les émissions que nous on avait quand on était mômes, parce qu'il faut aussi voir qu'on a été élevés avec Christophe Izard et tous ces gens-là. Casimir. Alors il y a un truc avec Casimir, avec les visiteurs de Noël, les visiteurs du mercredi. Mais je peux vous dire que moi j'ai assisté à la première Gloubi Boulga Night, soirée où il y avait Casimir, on était tous dans un état... Dans les années 90 là du coup. Ah moi j'ai pleuré la première fois que j'ai vu Casimir. Alors moi j'avais été sur le plateau parce que j'ai fait deux émissions, je disais à Christophe, j'arrive pas à les retrouver, j'ai les titres mais je n'arrive pas à retrouver les émissions. Donc j'étais gamin et Yves Brunier je l'ai revu. revu après, ouais. Et dans une soirée, parce qu'en fait, il était revenu dans une... Vous savez, il y avait une boîte, qui était une boîte homo, qui s'appelait Le Scorpion, et en fait, il y avait un type qui organisait des soirées là-bas, et grâce à ça, Chantal Goya est ressortie, Casimir, on l'a revu, enfin voilà, et moi, comme je faisais un peu de spectacle là-bas... sans être du bord, et ben je faisais les spectacles et donc j'ai rencontré tous ces gens-là. Mais la première Gloubi Boulga Night, oui. Je peux vous dire une chose, c'est que d'abord le Rex était rempli. Ah ouais. Je sais pas si vous connaissez le Rex à Paris. Oui. En tout cas, c'est étonnant. Ça partait, la queue partait du Rex et allait jusqu'en bas la rue de Cléry. C'était énorme, je n'ai jamais vu ça. Je savais même pas si on allait pouvoir rentrer tellement il y avait du monde. Et quand Izard est arrivé sur scène, oui. Quand Barillet est arrivé sur scène, qui faisait Barillet, il faisait tous les petits dessins animés là qu'on a vu, une fois l'homme, tous ces trucs là. Quand ces gens arrivaient sur scène, ils étaient applaudis. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris ce qui arrivait. Parce qu'ils pensaient venir à une soirée comme ça, mais ils n'ont pas compris. Et je pense qu'ils ont pris la dimension de ce qu'ils avaient fait à ce moment-là. Oui. Mais et c'est vrai qu'on a vécu des périodes où on nous a fait rêver. Ah oui. On nous a fait rêver. Et maintenant, on ne rêve plus. Enfin, voilà, si, on a eu la chance d'apprendre à rêver enfant. On peut le maintenir adulte. Je crois qu'on en a la capacité. Vous le faites, la preuve. Grâce à vous, on rêve maintenant. Voilà, les enfants aujourd'hui, c'est fini, ils rêvent plus, ils ont les anges de la réalité là, les psychologues, ils ont tous ces machins. Moi, j'ai travaillé dans des écoles. Je peux vous dire que c'était ça le lendemain. Ils venaient, ils parlaient de pilotes, de machins, de trucs en primaire, parce qu'ils avaient vu ça à la télé la veille. Et nous, c'était pas ça. Donc c'est ça que j'essaye aussi de rendre. Et voilà. Et puis on avait des gens qui avaient des voix formidables. Et la voix est quelque chose, je trouve, de très important. C'est quelque chose qui reste ancré. C'est très important de voilà, et justement nous on s'amuse tous les deux à se faire rire avec des voix qui nous évoquent cette époque merveilleuse. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, sans être méchant, il n'y a pas de voix dont on peut retenir vraiment le timbre. On peut dire oh, c'est la voix de machin. Enfin, bon, je sais pas ce qu'en pensent les jeunes aujourd'hui. C'est sûr qu'ils entendent même pas encore à parler, ils vont le reconnaître. Bon d'accord, mais il n'y a pas le même. Bah, on n'a plus des Dominique Paturel, on n'a plus des... Bon, il y a Hernandez encore qui est là. Tiens, ouais. Oui. Même dans les chanteurs. Ça le donne. On n'a pas entendu Claude François parler comme ça. On savait que c'était Claude François. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes qui parlent avec une voix si particulière. Je vous sens bien, les gars. Moi, ce que je propose, c'est que là, depuis quelques instants, on a Christophe Lemaire, parce que forcément, il faut aussi le rappeler, ton tour vocal sur Michael Jackson. Hein, on écoute ça depuis un petit instant. Moi, je vous propose qu'on continue à écouter un petit peu Michael Jackson. Je vous laisse juste de côté et vous pouvez nous préparer un petit truc comme ça, one shot, en imitation. Bah ouais. Ah oui, oui. Oh, vous êtes tellement bien. Oui. Ouais, allez, on se retrouve tout de suite sur Arc-en-Ciel, Christophe et David. Merci. Yeah. Christophe Lemaire. Avec David Bolling, et là c'était Christophe Lemaire, le show Michael Jackson. Et vous revoici sur l'antenne, les garçons. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Quoique le chien de Michael Jackson, j'ai entendu hors antenne. J'en ai 15. Si, voilà, pour l'information, j'en ai 15. Oui, tu nous avais dit la dernière fois. Il faut vraiment s'isoler. Voilà, il y a s'isoler pour il y a 15 Michael. C'est très difficile. Alors, on va, vu qu'on parlait du show Michael Jackson, Christophe Lemaire, donne-nous un petit peu les dates où on peut te retrouver en ce moment aussi. Là, comme j'avais dit la dernière fois, on est dans un redémarrage de nouvelles choses. Donc il faut recréer un tourneur principalement. Oui. Mais là, bon, j'ai quelques... Ce soir, par exemple, je suis en spectacle dans un endroit que j'aime particulièrement, c'est en Seine-et-Marne. C'est une auberge dîner-spectacle, qui s'appelle l'auberge de l'Écluse. D'accord. C'est à Épizy, dans le 77. Et puis, tout particulièrement, je présente mon nouveau spectacle, qui s'appelle « De voix en voix ». À partir de samedi prochain, samedi 29 avril, dans un très beau cabaret qui a ouvert en décembre, qui est tenu par une ancienne danseuse du Lido des Folies Bergères, de tous ces grands cabarets. Donc, c'est une fille à plumes, elle connaît son boulot et elle a ouvert ce cabaret qui s'appelle le Philadelphia. C'est à Samoa-sur-Seine. On rejoint le thème de la matinée, si j'ai bien compris, puisque Samoa-sur-Seine étant la patrie de. Hein, je vous pose la question. Oui, parce que vous avez parlé de jazz tout à l'heure. On a parlé de bowling. Oui. Maintenant, Samoa-sur-Seine, c'est la ville de. Émilie va chercher sur son gogol. Mais non, alors moi je sais pas. Laquelle Samoa-sur-Seine, Patrick. C'est une commune française située dans les en Seine-et-Marne. Oui, mais c'est la patrie de. Comment c'est la patrie de. Ils sont perdus là. Ils sont en train de faire les mots, je suis perdu. On a combien de minutes avant que les grosses têtes trouvent la réponse? Tous les ans, il y a le festival qui est un des festivals les plus cotés de France et même qui dépasse les limites parce que c'est un des plus grands jazzmen du monde qui vivait dans cette ville. Non, bravo, non. Merci Google. Oui. La connexion est bonne ce matin. Et oui, Django, le festival Django Reinhardt. On le voit les panneaux, oui. Ah oui, non, mais je vous dis ça parce que comme vous avez parlé d'une matinée de jazz, voilà, on en profite, on a déjà Bowling et Reinhardt. Ce cabaret a ouvert en décembre et c'est un très bel endroit, donc ça s'appelle le Philadelphia. Et ce sera samedi 29 avril, donc ce nouveau spectacle qui s'appelle De voix en voix, où je vais pour la première fois présenter un petit peu entre deux chansons, quelques sketchs. Alors il y a un bigard, j'ai écrit un bigard totalement inédit, uniquement basé sur le vécu que j'ai eu avec Jean-Marie Bigard, qui était un copain, on a vécu pas mal de choses ensemble, j'ai fait l'Olympia avec lui, etc. Et Bigard a raconté tellement de choses que j'appelle des poésies. Vous connaissez un peu le langage de Jean-Marie Bigard, c'est de la poésie. Mmh. Je me suis dit, je vais écrire un sketch avec toutes les poésies qu'il a racontées en privé. Et croyez-moi, ça... Bon, je vais vous donner le titre. Allez, je fais une exclue parce que j'en suis très fier. Ça s'appelle « Super envie de chier ». Voilà. Ça, c'est du bigard. Alors, voyez, c'est du bigard. Alors, après ça, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais bon, ça va être assez sympathique. Voilà. D'accord. Ça s'éloigne du Michael Jackson, on est d'accord, ça s'éloigne. Mais c'est l'amour de la voix. Alors, justement... C'est tout un univers, hein, bigard. C'est tout un truc. Étonnamment, moi qui aime reproduire les voix au plus parfait, j'ai encore du mal avec Jean-Marie, parce que pourtant je l'ai beaucoup côtoyé, j'ai mangé avec lui, j'ai fait plein de soirées avec lui, etc. Et j'arrive pas bien à choper le temps. Non mais à ce moment-là, t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est pas un problème. Je t'aiderai si t'as besoin. Non, mais je vais y arriver. Alors justement, on vous a laissé le temps. Tu sais, il s'éloigne, mais on n'a pas oublié. Hein. On vous a laissé le temps de Michael Jackson. Alors la rencontre de Christophe et David, eh bien, on vous laisse voir un petit peu ce que ça peut donner sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Alors, tu veux qu'on fasse un petit. Oui. Un petit truc tous les deux, ouais. Si vous avez rappelé des chiens, c'est simple. Tu te rappelles les franciscains, le code Mon Emploi. Enfin, franciscain, je fais de Mon Emploi. Et je reçois aujourd'hui mon ami Régis. Bonjour. Comment tu vas, Régis? Bah écoute, ça va. Je cherche un emploi. Régis, cherche un emploi. Tu cherches un emploi de quoi, Régis? Moi, je voudrais être contrôleur à la SNCF. Tu veux contrôler. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est contrôler, toi. Oui, voilà, je veux contrôler les gens, leur mettre des amendes, parce que ça, j'aime bien. Ça me plaît. Qu'est-ce que tu as comme costume pour faire contrôleur? J'ai déjà la casquette. La casquette SNCF qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Mais ce qui manque, c'est le tampon pour tamponner. Toi, t'aimes bien, toi. Ah oui, ça, j'aime bien, tamponner, là, mettre des amendes, là, paf, prendre des sous, ça me plaît bien. Imagine que tu as une fée qui est comme ça, qui est descendue du ciel. Elle voit mon grand régime, qu'est-ce que tu lui demandes à la fée? Je lui demande de m'offrir le tampon pour tamponner. D'abord, qu'est-ce que tu dis? On dit bonjour, madame la fée. Qu'est-ce que tu lui demandes? Mais après, je lui dis, est-ce que t'as mon tampon pour tamponner? Tu veux verbaliser, en fait. Exactement, je veux tout verbaliser. Le gars qui est en train de fumer, celui qui met les pieds sur le fauteuil. Et alors, quelles seraient tes conditions de travail? À quelle heure? Quand tu es disponible? Les conditions de travail, il ne faut pas que ça soit trop dur non plus. Parce que moi, je me lève le matin assez tôt, vers 14h. Je peux commencer à 15h, mais il faut que je finisse à 18h. À 18h, il faut que je sois à 19h chez moi. Devant la télé, il y a Nagui. C'est important, Nagui. Nagui. J'aime bien chanter, moi. J'ai une passion, chante. T'as une jolie voix, en plus, on entend. J'ai une voix intéressante. Je chante des chansons françaises, anglaises, japonaises. Je chante plein de trucs drôles comme ça. Je ressemble un petit peu à Mike Brandt, dans la façon de la voix. C'est vrai, on me l'a déjà dit. Pour mon gars Régis, on résume, tu cherches donc un emploi de contrôleur à la SNCF. Et tu veux être payé combien? Je sais pas, moi, j'aurais demandé un tarif normal, genre 3 000-4 000 euros par jour. Par jour? Oui. D'accord, vous tapez 3615 radio SNCF et vous donnez votre emploi à mon gars, à Régis, qui va venir ou non pour venir s'il en a pour envie. C'est sympa, c'est gentil, c'est bien que tu m'aides pour trouver un emploi parce que j'en ai besoin. Tu pourras après chanter du Mike Brandt dans les wagons. Voilà, ça sera très joli. Ça, c'est une bonne idée. Merci, mon grand Régis. Merci aussi à toi, mon copain François Morel. Merci, je l'aime bien. C'est bravo, ça s'applaudit parce que là c'est une improvisation totale. Les déchiens, c'était de l'improvisation. Si vous avez un petit peu autour de nos âges, les déchiens, c'est vrai qu'encore une fois, David et moi, on s'est dit, les déchiens, aujourd'hui, moi j'ai une nièce qui a 23 ans, elle connaît parce que je lui ai inculqué un petit peu ça, mais il y a des jeunes de 25, 30 ans, ils ne savent même pas qui c'est les déchiens. Oui, je trouve ça énorme, alors que François Morel et toute sa bande, c'est quand même quelque chose, les déchiens. On va essayer un petit peu de les remettre en. Il y a Madénian, son copain. Ça ressemble un petit peu à ça. Oui. mais c'était pas tout à fait ça encore. Hein. Mais voilà, on rigole bien, et puis voilà, on se prend pas la tête. Et puis, en plus, on évite des sujets de société qui sont graves. Aujourd'hui, malgré tout, on a quand même tendance à trop parler de politique, politique, politique, politique. Tout le temps, il y en a trop. Oui, alors, la politique, non, non. Nous, c'est pas notre truc. Voilà, nous, on parle de conneries. Alors voilà, un emploi à la SNCF, il est contrôleur, il verbalise. Point, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de. On veut pas. Les gens ne sont pas là pour se prendre la tête. Il y a des gens qui sont là pour le faire, pour parler de politique, et puis. Qui le font bien, ben, quoi. Laissant à ceux qui le font. Oui, ils le font sûrement bien, mais enfin, moi, je suis pas calé dans le domaine en attendant. Voilà. Ouais. Non, moi, je fais dans le spectacle, je fais juste Coluche au début, qui en fait, bah, il est revenu. Hein, on l'a laissé revenir, Dieu l'a laissé revenir, parce qu'il a vu que c'était un peu le bordel, et il vient se représenter aux élections. Et si tu veux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent le tuer, il est déjà mort. Alors comme ça, maintenant, ils l'ont dans le cul. Ouais, comme ça, voilà, je fais juste Coluche qui revient et qui tout ça, et qui, à la fin, fait « Un pour tous et tous pourris !» C'est vrai que c'était un slogan, on disait, il disait ça, mais moi, je trouve que, voilà, ça relate bien la politique. Ça nous manque. Tout à fait. Et c'était Thierry Leluron qui avait trouvé deux trucs absolument... Enfin, moi, j'avais trouvé... C'est tout à fait ça. C'était quand il faisait Mitterrand qui disait « J'ai trouvé la France dans le caniveau, je vais faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour la mettre sur le trottoir. » Et ça, il avait raison, c'était exactement ce qu'ils font. Et puis, il y avait un autre truc, c'était Mitterrand qui disait « J'ai fait des promesses, vous inquiétez pas, je continuerai à les faire. » Voilà, c'est tout résumé. Il n'y a plus rien à dire. C'est encore valable aujourd'hui, hein. Ce qui était valable il y a 40 ans, c'est un c'est valable aujourd'hui, ils n'ont pas évolué. On change les noms, c'est tout. On change les noms des gens. Voilà, on change les noms, on change deux, trois trucs, ça n'a pas évolué. Hein. C'est toujours pareil. C'est des gens qui vivent hors normes et ils ne savent pas. Quand j'entends qu'ils ne savent pas le prix d'une baguette, ils ne savent pas le prix d'un steak haché ou d'un pain au chocolat, oui. Eh ben, je ne sais pas, mais c'est quand même embêtant parce que c'est quand même eux qui gèrent la France. Quoi. Ouais. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc voilà, nous, on ne rentre pas dans ces trucs-là. Vous avez on ne parle pas des problèmes d'argent. Hein, les problèmes d'argent... n'est-ce pas, David, j'ai une phrase que vous ne connaîtrez peut-être pas, parce que là, il faut vraiment aller pointu, aller au fond d'un certain cinéma, de Jean-Pierre Mariel, qui a fêté ses 84 ans, je crois, il y a 2-3 jours. Mm-hmm. Ouais. Un grand monsieur, Jean-Pierre Mariel. Et qui dit tout simplement, j'ai un tarif de base qui n'est pas négociable. Voilà. Il a une autre grande phrase que j'ai appris à David, je suis très content de lui avoir appris ça. Vous allez voir, c'est désuet, c'est complètement nul quand on n'est pas dans l'univers. C'est pour ça qu'aussi, il faut bien prévenir aussi des gens qui vont écouter David ou qui viennent m'écouter, qu'il faut, franchement, c'est déconseillé au moins de 20 ans, même 30 ans. Hein. On va mettre un truc sur la fiche déconseillé au moins de 30 ans parce que, quelque part, ils ne comprendront pas. Mais justement, il faut qu'ils découvrent. Je ne sais pas s'ils arriveront vraiment à rentrer dans l'univers. Non, mais ils découvriront, c'est ça qu'il faut. Ah oui, il y en a, bien sûr, mais bon. Il faut qu'ils découvrent, c'est ça qui est important. Tous les fans des films... Cette fameuse phrase de Jean-Pierre Mariel que j'ai appris à David, vous allez voir, ça ressemble à rien. Hein. Dénué de sens, mais ça dit « J'ai deux passions dans la vie. Hein. La sexualité de groupe et retaper les fermes normandes. » Voilà. À partir de là, ça tout dit. T'en as rien à branler. J'en terminerai par nom de Dieu de bordel de merde. Ah mais Mariel, c'est formidable. Tu vois, t'as tout dit avec ça. T'as tout dit. J'adore. Voilà. Donc ça vous laisse l'idée qu'avec Bolling et le maire, on se fend la poire. Et alors Jean-Pierre Mariel, c'était très rigolo parce que je l'ai rencontré sur le tournage d'un film de Lelouch. Et Lelouch nous avait demandé d'être en travesti. Alors moi, j'étais bien en travesti. Et il me regardait assez bizarrement. Ah ouais, mais il me regardait très bizarrement. Il avait un peu la trouille. Enfin, je sais pas. C'était très curieux parce que je suis allé lui parler parce que bon, il connaît mon père et tout évidemment. Mais il était un peu gêné, quoi. C'est marrant. Je crois qu'il a toujours eu une gêne avec ça, avec les hommes habillés en femme. Il y a toujours une gêne. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, dans le film de Lecomte, là, dont tu parlais, là, Christophe, tout à l'heure, il devait être habillé en femme et il paraît qu'il était assez. Ça l'avait un peu gêné de le faire, mais bon, voilà, il fallait le faire. Une blague. Oui, ça s'appelle. Chose qui n'a pas gêné Michel Serrault. Ah, bah non, ça c'est. Non, pas du tout. Alors, par exemple, nous, moi je fais Serrault en homme. Et moi, je vais faire en Zaza Napoli, voilà. Voilà. On va faire un sketch, on fera les deux, il y en aura deux pour le prix d'un, alors c'est quand même. Mais on va tu penses. On reviendra faire ça sur la radio. Bah oui. On fera un jeu pour faire gagner des pins, par exemple. Des pins de quoi? Des pins de la cage aux folles. Eh oui, voilà. On n'a pas fini. Hein. Va falloir nous laisser une journée pour la radio, là. Mais d'ailleurs, Zéro, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit, mais je comprends pas, vous m'imitez dans la cage aux folles, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait garde à vue, j'ai fait le viager. Et puis après, je lui ai dit, bah non, mais Saint-Michel, c'est la cage aux folles, c'est resté dans l'inconscient collectif français, donc forcément. C'est vrai. Maintenant, on a obligé de vous faire dans ce personnage. Maintenant, on a Stéphane Bern. Oui. C'est une autre genre de cage aux folles. Ouais, c'est d'autres choses. Ils sont fous. Il y a jamais eu un silence pesant à la maison. On a plus Sevran, bon, mais ouais. C'était bien. La cage aux folles avec Sevran et Berne, ça aurait pu être quelque chose. Ouais, bah nous, en tout cas, on a David et Christophe, c'est vraiment un bon moment parce que on voit pas le temps passer. Depuis tout à l'heure, on discute de films, voilà, de petites choses. On est vraiment heureux de t'avoir. Et puis alors, et quel bel anniversaire, Christophe, d'être sur Arc-en-Ciel avec ton ami David, c'est bien. Ah, tout à fait. J'en suis ravi. Vraiment, vraiment très, très. Oui. J'avais noté pour l'écouter. Et puis je ne pensais pas que vous alliez m'appeler. C'est très gentil à vous. Merci. Ah, bah non, voilà, c'est tout à fait normal. En plus, ça fait plaisir en plus. Bah, alors qu'on vienne en vrai maintenant. Je pense oui, que on vous attend. On va caler une date en antenne. On vous attend. Ah, bah oui, au plaisir. Complètement. Et puis, moi, je remercie une personne. On en parle quasiment pas souvent. C'est donc BMG Prod, Pascal, parce que c'est aussi grâce à lui que moi, je vous ai découvert. Pascal, et que voilà, on arrive à diffuser des artistes comme vous. Qui n'êtes pas des artistes de radio, puisque c'est vrai que souvent en radio on dit c'est des chanteurs, et ben voilà. Nous on veut aussi donner cette chance-là à des personnes comme vous, imitateurs, chanteurs, petits chansonniers, enfin vous mélangez un petit peu tout, cet humour autour de vous. Et moi je trouve vraiment normal qu'on vous laisse cette place dans l'émission d'Arc Music tous les samedis. Ah, oui, ça c'est très gentil. On remercie BMG et puis Pascal et Martial. Et Martial, oui. Évidemment. Et alors, on en profite pour dire aussi qu'on cherche des tourneurs et on cherche des producteurs, parce qu'ils sont agents, mais on cherche des producteurs, justement. Ouais, tout à fait. Puisse commencer. Avec des gros moyens, hein, genre entre les Herman, Coulier. Voilà, il faudrait des producteurs qui ont les sous pour qu'on puisse avoir des théâtres à Paris, des choses et se faire connaître, parce que c'est pas évident. Alors, et puis, il faut surtout pas oublier une personne qui m'est très très chère et très importante, parce que sans elle, je n'aurais pas fait énormément de rencontres ces derniers temps, via Internet. C'est une personne qui travaille énormément pour la promotion de la mienne en premier et la tienne, David. Elle s'appelle Véronique Legru. Oui. Et Véronique Legru, c'est une personne de confiance. C'est quelqu'un, on peut s'appuyer sur elle, on peut tout lui raconter. C'est premier, c'est mon assistante. Elle fait tout pour que ça marche, pour nous faire connaître au maximum. Enfin, c'est génial. Donc, on est adorable. Très bon bisous à Véro. Surtout, on ne l'oublie jamais, ça. Je ne connais pas Véronique, vous lui ferez un bisou de ma part. Hein. Je serai honoré de la rencontrer un jour, alors il n'y a pas de souci. Mais c'est quelqu'un, Véronique, qui n'est pas à la base du métier, qui ne fait pas ça, mais qui fait ça avec le cœur, et avec un cœur tellement... Elle aime l'artistique, elle a tenu elle-même des radios web, plusieurs radios web, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est quelqu'un de passionné. Et quoi de mieux qu'une personne passionnée pour mener à terme quelque chose? Enfin, à terme, j'en sais rien, mais en attendant... On a besoin de passionner. Elle est adorable. Moi, j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Voilà, donc, rencontrée parce qu'elle il ne faut jamais l'oublier. Mais elle est vraiment formidable. Ouais, très, très, très bien, cette femme. Ah, bah, c'est super. Voilà. Eh ben, en tout cas, moi, je vous remercie quand même de ce beau moment de radio. Ouais, on avait dit un petit quart d'heure d'interview, mais voilà, on est parti pour très long. Voilà. Oui, on peut faire 2 heures. Il y a longtemps, vous aurez été coupé. Ah, mais voilà, dans les autres radios, t'as vu, moi, je ne coupe pas. Ah, Sébastien, c'est. Alors, j'en profite pour dire que je fais mon spectacle le 4 mai. À 20h30 au théâtre Falguière dans Paris 15e. Donc voilà, je vais jouer un soir là-bas. C'est entre les deux tours politique, donc j'espère qu'il y aura du monde. Que voilà, entre les deux tours, tu passes un Boeing tranquille hein, quand même. Voilà, exactement. Un bowling, pas un Boeing. Entre les deux tours, on passe un Boeing. Pas bête là, tu vois. Au moins, je passe entre deux. Je fonce pas dedans. Voilà, donc je joue mon spectacle ce soir-là et Christophe va venir et voilà, on fera un petit bœuf ensemble après, on va faire un petit truc tous les deux, quoi. Voilà, c'est-à-dire que s'il me paye, je ferai quelque chose. S'il me paye pas, je ferai quelque chose. C'est toujours ça, les... J'ai un tout petit théâtre, mais c'est très sympa, c'est un petit théâtre sympa. Donc, Théâtre Falguière à Paris, 15e, c'est rue de la Procession, voilà, j'ai cherché le nom. Plus garé, en plus, c'est bien. Alors comme chez nous, venez voir les artistes, on a une grande cour, on a une grande salle en bas, on a fait un spectacle la semaine dernière, c'était blindé. Ah, bah, donc voilà, il faut... On va venir parce que on se sent en famille avec vous, moi ça fait la deuxième fois, on se sent vraiment, c'est très agréable de discuter avec vous. C'est vrai. Mais si vous venez, deux heures d'émission avec vous. Ah non, c'est pas deux, c'est trois heures minimum. Trois heures, alors on se fait trois heures. On a de quoi vous raconter, vous inquiétez pas. On va essayer de se faire un petit truc pour la rentrée, on va voir ça. D'accord. Ça serait une bonne idée. Par contre, il faut nous arrêter, il faut nous couper les micros. Sinon, ça s'arrête pas, ça continue. Hanouna et tout ça, ils perdent énormément en nous invitant pas, ils ne servent pas encore. Je ne suis pas barbu comme Hanouna, mais je vous prendrai sans problème 3 heures. Oui, ils ne nous connaissent pas bien encore, c'est surtout ça. Je pense que tu es plus sympathique. Merci. Oh le pauvre. Non, franchement, je vais fermer Michel Drucker, mais on va l'embrasser très fort quand même. Respect pour tout ce que les gens font. Après, chacun ses goûts. Oui, bien sûr. Alors, je rappelle donc l'actualité de David. Tu as un petit site, David ? David, on n'a pas parlé. Alors, moi, j'ai une page Facebook professionnelle. C'est David Bowling, tout bêtement. Oui. Donc, on peut aller voir là-bas. Et puis. Je mets mes actualités. Là, j'ai dû mettre le truc pour le théâtre. D'accord. Donc voilà, je passais au fin de guerre. Et pour l'instant, j'ai que ça. J'ai fait un petit truc pour Canal, mais bon, je sais pas si on me verra beaucoup. Là, ça devrait passer ce soir à 19h20. D'accord. Mais c'est pas sûr. Mais je sais pas. C'est pas un porno. Non, c'est pas un porno. C'est à 19h20. D'accord. Mais ils ont quand même réussi à me mettre tout nu quand même, parce que c'était une parodie de Groland. Et alors, comme je suis Grolandais et que je fais des Grolandes de temps en temps, ils m'ont mis là-dedans. Voilà. Ça s'appelle The Fuck La France ou un truc comme ça. Enfin, c'est un Anglais qui est à Paris et puis qui sur plein de sujets. Méprise les Français Compare avec l'Angleterre, la France. Ah non, compare. Enfin, je sais pas, c'est dans l'émission d'Antoine. Alors, je pense que c'est Antoine Decaune, j'imagine. Oui, c'est l'émission d'Antoine, c'est Antoine Decaune, oui. Voilà, c'est ça. Bon, bah alors, parce que je sais pas, il m'a dit c'est l'émission. Parce que l'autre, il est dans les îles, il y a longtemps. Oui, l'autre, il est parti il y a un moment avec ses chemises. Il a ses lunettes à tôle. Exactement. Il est parti. Et donc, je veux dire, excuse-moi, David, je te coupe parce que David, il a une particularité. C'est qu'on retrouve Michel Bougna, non pas dans l'imitation, mais David est le premier, il rit tout le temps. Et c'est ce que j'aime. Il t'amène une bonne humeur, parce que si tu veux, on est en train de parler, mais là, on fait le tour de mon jardin, on discute et on raconte un truc et il se marre tout en parlant. Et ça, eh ben, déjà, ça disperse sa bonne humeur partout. C'est super génial. Voilà. Et là, même si c'est pas drôle, on a envie de rire parce qu'il rit. Il a un rire communicatif. Et une j'ai toujours aimé me marrer, moi. J'aime pas ne pas rigoler. J'aime aimer rigoler. On apprécie, David. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Écoutez, on a passé un moment formidable avec vous. Moi, merci. Moi aussi, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que les auditeurs auront apprécié aussi. J'espère aussi. Il faudra. Faut qu'il nous encourage, faut qu'il vienne nous voir sur nos pages, qu'il nous envoie des mots. Et qu'il vienne nous voir sur scène quand on joue. Et puis du côté d'Orléans, nous on aimerait bien venir. Moi ça m'est arrivé il y a longtemps, je suis souvent passé du côté d'Orléans, mais j'aimerais bien revenir. Donc, il faut s'arrêter. Ah si, je me suis arrêté. Si. J'avais même fait un spectacle en 2000, si je dis pas de bêtises, 2005 je crois. Mmh. Ça, c'est pas hier. Sur la grande place, là, il faisait un temps épouvantable. Mmh. Je me souviens très bien parce que c'était un truc, c'est un gala de charité, un truc comme ça. C'était plein air, il y avait une très grande caravane, il y avait énormément de monde. Et donc, comment s'appelle cette grande place, là, la plus grande place ? La place du Meurtrois ? La place du Meurtrois avec la statue de Jeanne d'Arc, je suppose. Voilà, c'était un très grand gala. En plein mois de janvier, on se caillait un peu, mais il y avait beaucoup de monde. Une très grande ambiance, donc voilà, je me rappelle bien d'Orléans pour ça. Okay. D'accord, bah c'est, on travaillera ça. On va recontacter Pascal, ah bah oui, contacter les gars. Et puis on va essayer de trouver un petit truc sympa. Bah oui, bien sûr, pour parler de votre actualité. Donc on rappelle donc David Bolling sur son Facebook, David Bolling professionnel. Vous retrouvez eh bien donc des petits extraits. Vous retrouvez aussi ben, les différentes dates de ses concerts, certainement des dates où on peut te retrouver. Ouais. Et Christophe Lemaire. Pour l'instant, il y en a une. Hein, mais j'espère qu'après, ça va commencer à. Bah oui, il faut. En avoir un peu plus. Ouais, exactement. On te souhaite. On souhaite. Et Christophe Lemaire, donc avec un Y, Christophe, C-H-R-Y-S-T-O-P-H. Ah oui. Et donc, voilà. Sur ton site internet, on retrouve aussi toute l'actualité de tes DVD, de l'Olympia que tu as fait, tes concerts, et puis les différentes dates, je pense. Ah, il y a absolument tout ce qu'il faut. Donc, géré de main de maître par Véronique Legru, justement. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Ce qui a fait un travail énorme, nuit et jour. Et donc, il y a les vidéos, il y a mes livres, parce que donc j'ai écrit des livres. Il y a un petit peu près tout ce que j'ai fait. Et puis, les états d'âme aussi, des fois, ça arrive. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais je suis quelqu'un d'authentique. Et bon, encore une fois, je pense que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, qu'on est devenu amis. Oui. David et moi, ah bah oui, on est devenu authentique. Et que quelque part, c'est vrai, des fois, on me dit, mais fais attention à ce que tu dis. T'es pas... Mais moi, non, j'en ai rien à foutre de ce que je dis. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas une star, je ne suis pas une vedette. J'ai 25 ans, quasiment 30 ans de carrière. Donc aujourd'hui, même si je ne suis pas une star et que je ne passe pas la télé tous les jours, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de dire qu'un tel est un con et que ça ne me plaît pas et que je ne passerai pas là et que je ne ferai pas ça, je le dis. Donc David et moi, on ne fait pas de fioritures. Oui. On s'amuse, je on est déjà. Je sens qu'ils vont redire un an si encore, plaît, mais si on ne fait pas de fioritures. C'est vraiment du live. Hein. C'est vraiment du live. Je crois qu'Emilie, elle est partie. Ah bah oui. Ça y est, là. Elle est en train de... Il y a la larme à l'œil qui est en train de sortir tellement elle rigole. Non, mais on ne pourra pas continuer l'émission. Ça va on va pas être censuré quand même. Oh. Ah, mais non, vous êtes en direct, il y a tout passé. Ah bah pas oui, de montage possible. C'est trop tard. C'est vrai qu'on se prend pas la tête. Sinon, on va se faire de part, on va commencer à être vulgaire. Voilà. On arrive à De Bourdieu. Un grand merci. Un bon anniversaire encore à Christophe. Merci, merci, merci, sire, merci. Ah, longue vie à notre sire. Voilà. Et ben voilà. Et ben on vous remercie de toute façon les garçons. C'est super sympa de ce grand moment qu'on a passé ensemble. Je crois que c'est un des plus longs interviews qu'on a eu. Ah ouais. De nous avoir reçus. C'est tout à fait normal. Merci à toi Christophe d'avoir décroché dans ton petit jardin pendant que. Ah ouais, que... c'était sympa. C'était pas prévu, mais ben voilà, tu nous as eu parce que tu nous écoutais, donc c'est gentil. Merci, tu vois. Et heureusement qu'on n'a pas dit de bêtises, David, hein, parce que sinon. Et nous on se voit demain, Christophe. Ah bah oui, attends, nous on va chercher les œufs ensemble, hein. Ah oui, on va chercher les œufs de Pâques. On va aller chercher les œufs de Pâques. Hein, tradition, tradition. On va encore manger. J'en profite, parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on a des animateurs sympathiques sur une radio sympathique. Oui, merci. Pour dire un tout petit mot sur mon association de protection animale, parce que ça c'est ma grande cause à moi. Je suis une sorte de Brigitte Bardot, hein, et en fait voilà, j'ai 15 chiens, ce qui explique qu'il est difficile de s'isoler sans entendre un aboiement. 15 chiens qui ont tous été depuis des années récupérés de situations assez délicates, abandon et j'en passe. Ouais. Donc il y a déjà une dizaine d'années, j'ai créé cette association. Nous avons créé cette association qui s'appelle Les Amis de la Fablière, donc il y a une page sur Facebook de la Fablière. De la sablière, ouais. Voilà, en fait, une sablière, ça n'existe pas. En fait, on dit un sablier, c'est un recueil de fables. Mais comme ici, c'est voilà, bon, j'ai tout mis au féminin pour recueillir tous ces animaux. Et voilà, on demande rien généralement, on demande pas de sous, on demande bon, c'est dommage. Mais quand on nous envoie un petit chèque, même de 5 €, et ben ça aide pour les médicaments, pour la nourriture, pour de tous ces chiens, voire des fois même un renard qu'on récupère, qu'on soigne, des oiseaux, de tout ça. Voilà. C'est extraordinaire. Donc ça s'appelle les amis de la fablière. Oui, ça c'était un point commun aussi qu'on a ensemble, les animaux, c'est vrai. Mais alors moi je suis plus chat et lui il est plus chien. Alors ça c'est assez rigolo. Moi j'ai une petite chatte que j'ai récupérée qui a été mise à la rue. Et puis j'ai une amie, je fais un peu de pub aussi pour elle, qui a, on peut la retrouver sur Facebook, elle est salamalée des chats, elle s'occupe de plein de chats, elle récupère les chats, puis après elle essaie de les faire adopter, et voilà, et donc ils ont besoin de soutien aussi évidemment, ça s'appelle la Vallée des Chats, elle est à Angers, et elle est vraiment formidable, elle a toujours aimé ses animaux aussi, c'est... Voilà, et on se rejoint aussi là-dessus avec Christophe sur les animaux, parce que c'est vrai que je pense que quand les gens comprendront que les animaux sont importants et qu'on n'a pas à se prendre pour des pour des dieux supérieurs à eux, je pense qu'on aura compris beaucoup de choses. On aura beaucoup de choses qui vont se résoudre. Ça, c'est tellement vrai. Et notre chroniqueuse, Émilie, aussi adore. Ah oui, bah là, vous parlez à une convaincue, là, donc... J'allais... ouais. Moi aussi. Ah, les amis de la Fablière, le refuge, et se situe où? Il y a un refuge en Seine-et-Marne. Oui, en Seine-et-Marne, juste à côté de Melun. D'accord. Et donc c'est donc un grand parc. Je disais tout à l'heure que je répondais de mon petit jardin. Oui. T'es gentil, Sébastien. C'est pas un petit jardin, c'est un grand parc. Donc je suis très fier parce que je m'en occupe personnellement. J'adore. Et c'est le refuge de tous les animaux. Il y a même des poissons, il y a même des oiseaux. Et puis généralement, ce sont des animaux qui n'auraient pas eu une très belle vie, parce que des fois on recueille des animaux, des chiens aveugles, sourds, en fin de vie. On essaie de leur offrir une fin de vie. Alors au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut pas récupérer tout le monde, parce que là on est monté à 22 chiens à un moment. Ce ne sont pas des animaux qu'on replace, on les garde en famille et ils terminent leur vie avec nous, et c'est ça qui est, au bout d'un moment on peut pas. Mais par le biais de la page, souvent on arrive à trouver des propriétaires, des maîtres pour accueillir des chiens, des chats quand il y a une urgence, hein, voilà. Et moi c'est mon grand combat, et ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien organiser un spectacle pas particulièrement pour mon association, mais pour venir en aide à la condition animale, parce qu'il n'y en a pas assez finalement en France des gens. On fait énormément, on trouve de tout. Moi j'ai chanté pendant plus de 10 ans pour le Téléthon. Bon, après il y a des choses que j'ai regrettées, encore pareil, je suis pas une langue de bois, parce que le Téléthon, on sacrifie pas mal d'animaux pour la recherche, et ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit stop, j'arrête. Et on a les restes du cœur d'un autre côté, on a plein de choses. Mais pour les animaux, à part Bardo qui se défonce et qui en prend plein la tronche à longueur de temps dès qu'elle dit un mot. Alain Bougrain-Dubourg qui se donne du mal également. C'est ça, Alain Bougrain-Dubourg aussi. Il y a très peu de monde finalement. Pavela Anderson, on s'est foutu de sa gueule parce qu'elle est passée il y a pas longtemps. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on se moque rapidement des gens qui défendent la cause animale, comme si c'était une cause comme si c'était une cause secondaire, donc ça devient Même pénible. Déjà, quand on a un animal et quand on en parle... On en parle comme un enfant, on se fait moquer. Voilà, moi j'en parle, moi c'est ma fille pour moi. Voilà, alors évidemment, les gens, je m'en fous moi complètement. Mais c'est vrai qu'il y a une attache qui se fait avec eux qui est incroyable. Et je trouve qu'ils deviennent de plus en plus intelligents, les animaux. D'ailleurs, j'invite tout le monde à revoir, si l'on a vu l'émission en replay sur France Télévisions, sur France 3, qui est passée il y a quelques jours, sur justement l'intelligence animale. C'était une émission avec Jamie sur la 3, qui était extrêmement bien faite. J'invite tout le monde à aller sur Internet voir cette émission en replay, parce que justement, elle démontrait sur nombreuses espèces animales, en particulier le chien et le chat, l'intelligence et la non-supériorité de l'homme. Et justement, cette émission dans le relationnel qu'on établit avec les animaux, c'était mis en avant, c'était magnifique cette émission sur France Télévisions. J'en ai entendu parler, il faut la regarder. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations pour les chats, les chiens et tout ça, et même les maires. Moi j'ai mon amie là qui a la vallée des chats, elle a essayé d'aller demander au maire de là où elle habite s'il pouvait faire quelque chose. En fait, il veut rien faire. Bon, c'est un chasseur, alors lui il préfère que les gens viennent tuer les animaux que le contraire. Et elle a écrit à Bardo. Alors, comme elle a écrit, elle a dit qu'elle nous connaissait tout ça, Brigitte, paraît-il, l'a appelé en direct, et ils vont l'aider. Elle a dit qu'elle prenait ça en main, et elle va l'aider personnellement. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent ça. Parce que... Et justement, dans le monde politique actuel, même d'ailleurs actuel et passé, il n'y en a pas qui propose ça, qui s'occupe de ça. Il n'y en a pas. Ça commence de manière assez démagogique, je trouve. Ça commence, parce que là, comme on est à la dernière semaine, on commence à entendre, j'ai entendu l'un des candidats, je ne le nommerai pas, certains commencent à évoquer la cause animale parce qu'ils essayent là de ratisser large. Donc j'ai l'impression que là, on va commencer à en parler. Mais c'est vraiment de dernière minute, histoire de convaincre les derniers indécis qui défendraient la cause animale, quoi, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a quelques jours, j'ai osé mettre un extrait du programme de Marine Le Pen qui parlait de la condition animale, en faire une cause nationale. Je me suis pris des foudres sur la gueule. Moi, je ne vote pas, je ne fais pas de politique. Je suis ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, je m'en fous. Pour moi, c'est tout pareil. Donc, je relevais juste que ce point était précis. Mais il y a toujours des cons, hein, pardon, qui, dès qu'on évoque Front National, on est facho, on est raciste, on est homophobe, on est un pourri, on est... Mais moi, je m'en fous, je parlais après, juste de la condition. Après, il y a pas que la preuve, y a, enfin, quand même, les gouvernements qui ont été mis en place ces dernières années ont fait des choses aussi, on peut pas nier. Entre autres, enfin, les animaux sont entrés dans le code comme des biens non meubles, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est-à-dire, si on faisait du mal à un animal en tribunal, ben, rien n'était défendable parce que c'était compté comme un bien meuble, comme un objet. Et fort heureusement, et c'est très récent, donc les gouvernements, quand même, même si on a l'impression qu'ils font des choses, les choses avancent trop lentement, je suis d'accord avec vous, mais on peut pas nier que certains défendent quand même. Et dans l'ombre, parfois, on connaît pas les noms, mais les gens se battent aussi pour cette cause-là. Vous savez, en Italie ou dans certains autres pays d'Europe, on croit que nous, on est supérieurs en France. C'est faux, on n'est pas supérieurs. En Italie, on fait 50 tôles parce qu'on a les yeux en chien, prisonnés, sur un balcon, je ne sais quoi. Ici, c'est la porte ouverte parce à tout. Les punitions sont très minces. Ça commence doucement, c'est sûr. Voilà. Mais moi, par exemple, ma copine qui habite à Angers, elle avait dénoncé l'histoire du chat caramel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Où c'était un type qui avait une pizzeria et qui l'avait, enfermé dans une cage et qui lui avait mis du desktop ou je ne sais pas quoi. Enfin, le chat était bourré. Oui. Et c'est les employés qui l'ont dénoncé, heureusement. Mais le mec, il n'a rien eu, quoi. Il n'a rien eu du tout. On lui a donné 4 mois de prison avec sursis. Et c'est vrai que les animaux, c'est... Oui. Moi, j'ai été élevé avec ça. Alors que moi, je me suis mal garé, j'ai pris 135 euros d'amende. Pour être mal garé. Oui. Enfin, je veux dire, quand même un excès. Hein. Je veux dire, bon, vous êtes garé à moitié sur le passage piéton, j'ai pris 135 euros. Je me dis, la prochaine fois, ça va être quoi là, ça pourrait être un sujet de sketch. C'est 6 mois de tôle ferme parce qu'on s'est mal garé. Alors qu'un mec, il va violer un animal, parce que ça arrive tous les jours, ces horreurs-là. Moi, je les vois par mon association. Les animaux peuvent être violés. Ce mec-là, il va avoir quoi? Un petit sursis, on va dire, attention, on recommence à des conneries. Hein. Bon, non, là, je crois que c'est vraiment bon. Mais on entre dans un autre débat. Ouais, ça c'est. Mais c'est vrai que c'est un débat important parce que les animaux, c'est quand même. C'est quand même important. C'est... Eh ben, moi, les garçons, ce que je vous propose, vous voyez, j'étais hors antenne pendant quelques secondes. Oui. J'ai regardé, j'ai un petit coup de fil qui a été passé. On va se retrouver pour une petite date au mois d'octobre si vous êtes là et on va faire quelque chose ensemble pour défendre la cause animale. Ah, volontiers. Ah, bah super. Si ça vous branche. Très bonne idée. Voilà. J'ai deux petits coups de fil ont été passés entre deux et voilà. On a la possibilité, je vous redirai ça tranquillement hors antenne. On va se retrouver pour la cause animale sur Orléans. Je suis ravie. Je serai là. Pourquoi pas On répond présent tout de suite. Là, on vient tout de suite. Bah, venez pas maintenant. On viendra parce que c'est. Non, on vient pas maintenant. Non, venez pas maintenant. On va attendre un petit peu. Il va attendre que vous nous donniez la date. Mais on vient. Bon, bah ça marche. Eh ben, on vous remercie beaucoup. On prend note de tout ça. On rappelle, c'était David Bolling avec son Facebook et Christophe Lemaire avec un YPH. On retrouve tout sur son fils, sur son site, christophelemaire.com, je crois. Je sais même plus. Il y en a eu des points com, mais on les a changés, on les a refaits. Il suffit de taper mon nom sur Google et puis vous trouverez tout un tas de Il y a peut-être même peut-être même donc 2-3 trucs orduriers qu'on a à dire de moi, j'en sais rien. Voilà, on retrouvera. Alors. Parler de moi, en bien ou en mal, mais parler de moi. Voilà. Mille merci à vous, encore un merveilleux anniversaire se redit à très très bientôt, les gars. Un petit bonjour, à très David. Bientôt et bonne journée à tout le monde. Un petit bonjour, merci David, à ton papa Claude. D'accord, je n'y manquerai pas. Et un bonjour à tous les amis. Merci Pascal, Martial, BMG Prod et merci à vous. On va à très bientôt. Et à très bientôt. Et puis